Monsieur T. de Clémentine Pacherie, lu par Clémentine pour audiocité.net. Ne reprenant les cours qu'à 14h et non à 13h comme souvent, il était parti déjeuner dans la petite zone commerciale à quelques kilomètres du lycée. On y trouvait toutes sortes de commerces, y compris un petit restaurant asiatique au décor en accord avec sa cuisine. Il n'y avait pas beaucoup de monde ce jour-là, il en profita pour bavarder un peu avec le serveur qui lui aussi était raccord avec le lieu. De taille moyenne, 1,70 m environ, les cheveux très noirs, coupés courts, il était extrêmement mince, mais très musculeux. Tout en parlant de choses et d'autres, ils en vinrent à évoquer leur profession. Il s'est avéré que le client était professeur dans le lycée qu'avait fréquenté le serveur. Celui-ci travaillait actuellement au restaurant en attendant de trouver un emploi plus en rapport avec sa formation. Il était arrivé en France quelques années auparavant et faisait partie de ceux que l'on appelait encore les « boat people », ces gens qui fuyaient le Vietnam, même si la grande vague d'immigration s'était calmée. Ils avaient été recueillis, soignés, hébergés, avant d'être confiés à des familles d'accueil ou à des foyers. On leur avait également enseigné un minimum de français afin qu'ils puissent se lancer dans la vie. C'est ainsi qu'il était arrivé au lycée où il lui fallait avant tout approfondir et maîtriser notre langue afin de pouvoir acquérir une formation professionnelle. À 17 ans, il avait de bonnes connaissances en mathématiques, physique, matières techniques et anglais, mais c'était loin d'être suffisant. Il se mit donc avec ardeur et ténacité à l'apprentissage du français, déterminé à surmonter ce qui, pour le moment, constituait pour lui un handicap. Il expliqua qu'il avait intégré une classe dans laquelle l'enseignante était professeure d'anglais et de français. Très à l'écoute et patiente, le passage par l'anglais facilitait les explications pour le français. Décidé à progresser, il lui avait demandé s'il pouvait rester dans sa classe après les heures normales de cours, puisqu'elle assurait également des cours du soir. Sans doute était-il plus au calme et dans une meilleure ambiance de travail que là où il vivait. Il ne dérangeait pas, posait de temps à autre une question à laquelle elle répondait immédiatement. Ce qui lui plaisait surtout, c'était l'enseignement personnalisé dont il bénéficiait. Dans sa classe, en journée, il suivait le programme normal. Ses séances individualisées étaient quant à elles consacrées à une langue usuelle, quotidienne, pratique. C'est ainsi qu'au bout de 2 ans, il avait pu se présenter aux épreuves de l'examen qui sanctionnait sa formation et qu'il avait obtenu son diplôme. Après le déjeuner, ils parlèrent encore un moment de voyage, de différences de culture, de projets. L'ancien élève raconta une anecdote. Le professeur de dessin technique leur avait demandé à tous de créer et de compléter un cartouche se rapportant à un élément étudié en cours. Lorsqu'il rendit le sien, l'enseignant le refusa, disant qu'il voulait que ce soit fait à la main, non à l'aide d'un ordinateur et d'une imprimante. L'élève affirma que c'était bien le cas, qu'il avait appliqué la consigne, ce que ne crut pas l'adulte. Vexé, l'élève demanda du papier et de quoi écrire, s'installa à une table et refit ce qu'il avait remis, au grand étonnement du professeur qui n'avait jamais vu une telle qualité d'écriture. On aurait vraiment cru que c'était imprimé. Ce qu'il lui dit, exprimant ainsi son admiration. À la pause de 15h, il se rendit en salle des professeurs où il raconta ce qui s'était passé, présentant aux collègues qui s'y trouvaient la réalisation de l'élève. Quel aplomb, quelle confiance en soi, quelle détermination à ne pas se laisser dévaloriser. Peut-être un trait de son caractère, mais certainement aussi le résultat de tout ce qu'il avait déjà eu à surmonter jusqu'alors. Il avait, semble-t-il, très jeune compris que s'il ne s'imposait pas, nul ne le ferait pour lui. C'était lui aussi qui avait écrit l'original de la carte du restaurant. Alors que le client partait, le serveur déclara s'appeler Monsieur T et lui demanda de saluer de sa part celle qui fut son professeur, soulignant que s'il maîtrisait le français aujourd'hui, c'était grâce à elle. Le collègue transmit le message. Elle en fut extrêmement touchée, émue, vraiment heureuse d'avoir été utile. Des décennies plus tard, elle s'en souvenait encore.